Chapitre 7. Aubacus, navigateur. Gantôme ne revenant pas, je pris le parti de visiter le village. Vrainit à pirate ce Puget, au perché, sur son roc, où l'on voit la mer au lointain, à travers les lances aiguës des végétations barbaresques. Pas de rempart. Les maisons en tenaient lieu, s'alignant au ras de l'abîme et percées de rares et étroites fenêtres qui pouvaient au besoin servir de meurtrières. J'ai voulu faire tout le tour, descendre au vallon parcouru hier, et j'ai reconnu la vieille porte par laquelle j'étais entrée. Au-dedans, des ruelles en escalier, de longs couverts sombres et frais, puis, avec la fontaine et le lavoir, une placette entourée d'arcades blanches. Beaucoup de maisons vides, ouvertes à tous les vents. L'herbe y croît, la marjolaine y embaume dans les débris des plafonds effondrés. Et c'est entre les fenêtres sans volets ni vitres et les toits dont les trous laissent voir le bleu du ciel, un chassé croisé d'hirondelles. Si je m'aventurais dans ce dédale, j'essaye, attiré par le pittoresque, mais je dois bientôt battre en retraite. Hommes et femmes, assis sur les seuils, me regardent. Oh, sans malveillance, mais avec un étonnement marqué. Voilà bien les demi-sauvages que m'avait annoncé patron Ruff. Ils me saluent pourtant lorsque je les salue. Mais la rue leur appartient, et je me sens intrus chez eux. Vite, retournons à la placette. Gantôme était là. Il me cherchait. « Depuis plus de 2 heures » ajoute-t-il, en bon méridional, amplificateur qu'il est déjà. « Quelqu'un m'attend, paraît-il. Monsieur Honorat Gazan, le capitaine ami de patron Ruff. » Tardive lui a parlé de moi, et il a tenu à me faire le premier sa visite. Je retourne donc à l'auberge, et gravis, toujours précédé de Gantôme, son beau perron en pierre froide, à qui les chaussures paysannes et les glissades des gamins ont donné le poli du marbre vert, après avoir, au préalable, admiré, détail qui m'échappa ce matin, l'étonnante enseigne. Aubacus, navigateur, représentant un enfant joufflu, coiffé de raisins, à cheval sur un tonneau, qu'assiègent les flots en furie. En effet, M. Honorat m'attendait, tranquillement d'ailleurs, auprès d'une bouteille de muscat, dans la grande salle du Bacchus, aussi obscure qu'un café arabe, les volets en étant fermés, par crainte du soleil et des mouches. On se serre la main à tâtons, mais les yeux peu à peu s'habituent au demi-jour, et la connaissance, grâce au muscat, se trouve au bout d'un moment, faite et parfaite. Monsieur Honorat, Gazan Honorat, est justement le maire du Puget. En cette qualité, il a la garde des archives, c'est-à-dire qu'il détient la clé d'un vieux coffre relégué dans un galetas. « Si vous n'avez peur ni de la poussière, ni des rats, votre visite arrive à point. En fouillant dans nos paperasses, vous leur rendrez un vrai service. Saladine, ma gouvernante, vieillit et les néglige. Elles doivent avoir grand besoin d'être époussetées. Au fond, M. Honorat est plus savant qu'il ne voudrait le paraître. Comme j'expose mes projets, il m'avoue avoir lui-même, dans le temps, entrepris, puis abandonné un travail analogue à celui que je rêve. La monographie du Puget mort, ainsi nommée, m'assure-t-il parce que, grâce à une situation naturellement fortifiée, des Sarrasins s'y maintinrent, même après la suprême défaite et la destruction du Fraxiné. C'est fort curieux, et vous auriez dû... Oui, j'aurais pu continuer, mais que voulez-vous? Les Provençaux, ceux d'ici en particulier, sont tous les mêmes. Jusqu'à 50 ans, de la poudre. Et puis, la paresse vous gagne. On engraisse et on devient turc. Monsieur Honorat me donne des détails. Trop éloigné de la mer pour fuir, les habitants du Puget Mort avaient dû se faire respecter. Assez tard, vers le XVe siècle, ils s'étaient convertis tant bien que mal et mêlés aux gens du voisinage. Mais la race subsistait, ainsi que certaines coutumes caractéristiques. Et M. Honorat citait des familles. Les Quintrans, les Guarans, les Roustans, les Autrans. Tous ces noms en, disait-il, sentent leur origine arabe. Nous en tenons aussi, nous autres, les Gazans. Et si vous avez de bons yeux, vous pourrez distinguer sur notre porte un restant d'écusson, de tournure, à ces maugrabines. En tout cas, ces maigres et bruns paysans, d'une distinction si sauvage sous leurs habits de laine, couleur de la bête, représenteraient aisément des pirates fort convenables. Monsieur Honorat lui-même, avec son grand nez, son air calme et digne, les sentences fatalistes qui, lorsqu'il retire sa pipe pour parler, roule le long de sa forte barbe, plus rare près des oreilles et autour des lèvres, me fait par moments tout l'effet d'un vrai serviteur de prophète. Mais le muscat est terminé. Monsieur Honorat, à toute force, veut me montrer son château, me présenter à sa fille. Il est veuf, paraît-il, et possède une fille charmante. Nous voilà donc nous dirigeant vers le château planté au coin de la placette. Château qui ressemblerait à toutes les maisons, sans un assez beau portail, d'aspect féodal et rustique, et sans une tour à terrasse, jadis forteresse, aujourd'hui colombier, dont les murs revêtus sur trois faces par le soleil d'une croûte de brioche s'effritent sous l'influence de l'air salé du côté qui regarde la mer.